Bon, une chanson pour les mères de famille déprimées. Ah, il y en a dans la salle. Soit câblé ou hertzienne, mes émotions de ménagère s'éteignent avec l'écran de verre. Plus de lumière, deux étrangers dans le désert sont allongés. Sans entrain, j'additionne des journées. Peut-être suis-je heureuse comme ça, même si je vis en deçà de mes songes d'autrefois. sous mes pas. Merci. Merci beaucoup.